pour les forestiers. Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini vous offre le F-150 2019 en location à seulement $198 aux deux semaines pendant 48 mois au taux annuel de 3,99%, en plus d'un rabais technologique d'une valeur de $750. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini souhaite aux forestiers un bon mois de l'arbre et de la forêt. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 88-276-1316. On va parler avec notre ami Patrick Carpentier. C'est le plus gros week-end de la course automobile avec les 500 000 d'Indianapolis. Il y a le Coca-Cola 600 et le Grand Prix de Monaco. C'est ce qu'on appelle la triple couronne du dimanche. On en parle avec Patrick Carpentier. Salut, Pat! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Patrick, je veux te parler des 500 000 d'Indianapolis. C'est une épreuve mythique. C'est probablement l'une des plus grosses courses de l'histoire. La course automobile, en fait, prestige avec Monaco. Tu l'as déjà couru, les 500 000 d'Indianapolis, régulièrement. C'est gros, hein? Oui, c'est gros. C'est très gros. Dans les années que moi, j'étais allé, il y avait eu une baisse, par contre, à cette époque-là. Là, c'était la séparation IRL, Cars, Champ Cars, et tout ça. Fait que, il y avait un petit peu moins de monde, je te dirais, qu'il y en a aujourd'hui. On dirait que l'effervescence est revenue. Écoute, c'est hyper... populaire, les estrades, là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde comme dans le temps. On dirait que l'Indy commence à refaire surface tranquillement, surtout que l'Indianapolis 500, là, évidemment, selon moi, c'est la plus grosse course à la planète de sport automobile, là, tu sais, mais écoute, c'est toujours intéressant, c'est comme des gladiateurs, tu sais jamais qui vont se rendre au bout, comment ça va se terminer, puis qui va aller chez la victoire. C'est une course qui va à l'usure, hein? C'est une course qui? Et qui va à l'usure, hein? Il faut être patient pour courir les 500 000 d'Indianapolis, hein? Il faut être patient. Faut, comme on dit en bon français, faut pas avoir froid aux yeux parce que c'est dangereux, c'est risqué. Il y a toujours un risque. Tu sais jamais comment ça va finir, où tu vas finir, s'il va y avoir des accrochages, des accidents. On a vu beaucoup d'accidents pendant les pratiques. Là, ça, j'ai suivi ça. Ouais. Un peu, ça cognait fort. D'ailleurs, il y a ceux qui, comme on disait, c'est quand je l'avais fait, ils disaient, écoute, au Indianapolis, il y a ceux qui vont frapper le mur, puis il y a ceux qui l'ont frappé. Fait qu'Alonso faisait partie de ceux qui allaient frapper le mur, puis il l'a frappé assez solidement en pratique, à trois reprises, même sans frapper à l'extérieur, l'intérieur, puis l'extérieur. Fait qu'il a frappé assez solidement, puis j'ai l'impression... qu'après ça, t'es pas plus hésitant, mais ça change quelque chose un peu quand tu viens de le frapper. Là, puis malheureusement, ils n'ont pas réussi à qualifier. Dis-moi, dans le cas d'Alonso, est-ce que le fait de courir sur... Alonso a toujours couru sur un circuit routier. Là, c'est une super ovale, les 500 000 d'Indianapolis. Est-ce que ça peut jouer? C'est pas les mêmes réglages, c'est pas les mêmes choses. Est-ce que ça peut avoir un lien? Ben oui, ça peut avoir un lien, parce que tant que t'as pas frappé le mur, c'est un peu une innocence, là. Tu sais, c'est un peu tu vas pousser la machine peut-être beaucoup plus. Tu t'attends pas à ce qu'elle va décrocher rapidement comme ça peut décrocher, tu sais. Fait que après ça, comme genre Villeneuve long qui disait, écoute, si la voiture l'arrière de la voiture veut se partir de travers, veut se dérober un peu, rentre d'un cul, faire un ajustement parce que ça se corrigera pas, puis tu vas finir dans le mur de protection. Fait que, ben, sauf que, il ne faut pas oublier qu'Alonso, l'an passé, l'a quasiment gagné quand il est allé avec Andretti, je crois qu'il était l'année passée. Cette année, McLaren était impliqué, je ne sais pas si c'était une bonne ou mauvaise chose, mais la voiture n'était pas là du tout. Là, fait, malheureusement pour lui, impossible de se calculer. OK. Dis-moi maintenant, donc c'est Simon Pagenaud qui va partir en tête des 500 000 d'Indianapolis. Le fait d'être en pôle, est-ce que ça donne-tu vraiment un avantage? Ben oui, ça démontre que tu peux être t'es très rapide, t'as une voiture rapide, parce qu'il faut pas oublier que les qualifications là-bas, c'est pas un tour, hein, c'est quatre tours. Okay. Donc on fait la moyenne de ces quatre tours-là. Donc tu vois qu'il y a une voiture qui est assez rapide. Donc je te dirais que oui, mais t'as des gros noms là-dedans encore là, qui peuvent aller chez la victoire avec Dixon et un paquet de gars. OK. Parlons maintenant de F1. On a appris cette semaine que Niki Lauda est décédé. C'est quoi? Écoute, Niki Lauda, c'est un des grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Hein? Oui, d'après moi, c'est un des plus grands à cause du courage que cet homme-là avait. On se rappelle, il y avait eu un accident, gros accident. Il avait été brûlé sur une bonne partie de son corps, du visage aussi. Puis il était revenu pas longtemps après avoir terminé quatrième. Ça n'a aucune peur, aucun... Des vrais coureurs comme on avait à l'époque, la gang de Kiki Rosberg, de lui, Ayrton Senna. Gilles Villeneuve, René Arnoux. Oui, exactement. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une des grandes légendes du sport. J'espère que ce week-end à Monaco, on va lui faire un super grand hommage. Parce que c'est un gars qui a marqué, on sait qu'il travaillait avec Mercedes. Mais c'est un gars qui a marqué vraiment, vraiment le sport automobile, puis c'est un des grands pilotes. Est-ce que dans l'histoire, tu parles de Lauda, dans l'histoire de la F1, tu le places où? Est-ce que tu le places dans les 10 meilleurs pilotes de la F1? Oui, je te dirais que c'est un... À cause de sa force mentale, je te dirais que c'est un des top... un des top 10. Les épreuves qu'il a eu à traverser puis de devenir champion du monde pareil, selon moi, c'est vraiment un des grands pilotes de la F1, surtout par sa détermination et son pouvoir. Puis dans ce temps-là, le pilote était plus... l'aspect pilote était encore plus... dominait encore beaucoup plus qu'aujourd'hui, là. Ben c'est pas la même chose. À l'époque, t'avais l'aspect du pilote, mais t'avais l'aspect du danger aussi qui était beaucoup plus omniprésent à F1, en IndyCar, en n'importe quelle forme de sport automobile, tu sais, même que ce soit en NASCAR, n'importe où, ces pilotes-là avaient pas de hands that bite, il n'y avait pas de protection autour de la tête, il n'y avait pas le halo qui va par-dessus, il n'y avait pas une certaine distance entre eux autres, puis les murets de protection en milieu de virage, t'as des murets de béton, t'avais pas les safety barriers, t'avais rien, tu sais, c'est une autre époque. J'ai parlé des gladiateurs au Indianapolis 500, je te dirais que c'est la seule course d'Indianapolis 500 qui, selon moi, demeure une course avec un grand risque. Fait que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de respect pour tous les pilotes qui participent, parce que je sais pas comment ça va finir. T'sais. C'est une des raisons, je pense, pour laquelle il y a une si grande auditoire, puis il y a tant de monde qui le regarde, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Puis à l'époque, en F1, c'était comme ça. Il y avait les pieds en avant des roues, maintenant il y a un pied en arrière des roues, il y a eu beaucoup d'évolution, mais les gars ça prenait, comme on dit en anglais, de big balls pour courir en F1. Il fallait que tu sois courageux. Fait que c'est plus, ça demandait tout de plus partout pour courir en F1 à l'époque. Écoute, c'était des caissons qui roulaient aussi rapidement qu'aujourd'hui, pratiquement. Là, à l'époque de Senna, c'était aussi vite que les voitures sont aujourd'hui, là, pratiquement. Ouais. Patrick, je veux parler de Lance Stroll. On disait l'année passée, on disait que Lance Stroll avait une poubelle, c'était vrai. Cette année, il est souvent en arrière sur Perez en qualification et ainsi de suite. Les qualifications, c'est pas sa force. Est-ce que c'est décevant? Oui, c'est décevant. Je te dirais que jusqu'à présent, c'est une saison difficile. C'est toujours le risque que tu prends quand tu changes d'équipe. Quand tu t'en vas au côté pareil, c'est pas c'est un excellent pilote, là, faut se le dire. Selon moi, c'est un des bons pilotes dans la liste de Mercedes. D'après moi, il va chauffer Hamilton. Mais sauf que en F1, c'est ça. C'est pas des bons pilotes, la plupart des gars qui sont là. T'sais. Fait que. Non, c'est décevant un petit peu. T'sais, si ça se séparait moitié-moitié, je comprends que Perez a peut-être un peu plus d'expérience, mais sauf qu'à un certain moment donné, il y a Verstappen arrivé et il a mis en avant en partant. Fait que c'est sûr que ça met plus de pression encore dessus sur l'aide. D'autant plus que l'équipe n'a pas des miracles en ce moment. Là. Malheureusement, t'es toujours comparé à ton coéquipier parce que tu sais que lui a la même équipement que toi. Fait que pour lui, je pense que c'est plus difficile en ce moment. J'écoutais Alexandre Tagliani l'autre jour au partant à TVA Sport, puis Alexandre est un excellent amateur. C'était sa force, Alexandre, de mettre au point une voiture. Puis lui, il disait que Lance Stroll, sa faiblesse, c'était justement les ajustements. Ça ressemble pas mal à ça, hein? Ça peut avoir un certain sens. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. C'est fort possible. Ouais. Ben, tu sais, quand tu arrives à ce niveau-là, tout le monde est capable de mettre la voiture au point pas mal. Tu sais, que ce soit Alex, que ce soit moi, il y a bien des combinaisons là-dedans qui font que tu vas être le meilleur metteur au point, dont ton ingénieur ou le chef d'équipe ou celui qui va t'enseigner ou te montrer. Tu sais, mais c'est fort possible. Moi, écoute, chez Players, Paul Tracy, il était zéro pin bar, comme on dit, pour mettre des ajustements sur une voiture. Là. C'était pas lui qui faisait les essais pour trouver la voiture. Il y avait Tony Ciccali, qui était un ingénieur que Charles Pinel avait eu incroyable, là, que lui était capable de comme un magicien pour des ajustements de la voiture. T'sais. Mais il y en a qui sont un peu plus forts de ce côté-là, d'autres un peu moins. Mais sauf que pour Lance, définitivement, en ce moment, il manque quelque chose. OK. Je veux te parler en terminant du Coca-Cola 600 que vous allez présenter en direct demain sur RDS. C'est un circuit... c'est dans le NASCAR, là, est-ce que tu es d'accord avec moi que t'as le Daytona 500, t'as ensuite de ça, t'as le Brickyard, la course des étoiles, puis après ça, c'est le Coca-Cola 600? Oui. En ordre, comme là. Ouais, mais en ordre, je veux dire, mais de oui, la cause d'importance, là. Ah, de cause d'importance, oh oui, évidemment. Le Coca-Cola 600, les courses de NASCAR sont toutes super longues. Fait que pour eux autres, le Coca-Cola 600, c'est encore une course un peu plus longue. Puis c'est une course qui est hyper populaire. On la couvre d'ailleurs à ABS dimanche soir. Puis la F1 aussi, le Rallycross le matin. Mais sauf que je dirais que, selon moi, c'est à travers la planète, Indy 500 définitivement. En premier, deuxième. Non, je te parle de NASCAR. Je te parle de NASCAR. Là. C'est le Daytona 500, c'est le Coca-Cola 600, le Brickyard, puis à cause Le Daytona 500, oui, exactement. Daytona 500, définitivement la plus grosse course de NASCAR de l'année, mais pas en même temps que les autres. C'est les trois plus grosses courses de la planète, c'est comme tu as dit, Indy 500, Monaco, puis Daytona 500. OK. Puis les 24 heures. OK. Il y en a quatre. Mais c'est une grosse course pareil demain. Et c'est un jeune qui a réussi, je pense, le William Bowman, je pense, qui a réussi la position de tête. Oui. Oui. Donc... Oui, William Byron. Je crois pas que c'est lui qui va aller chercher la victoire. Par contre, je pense que peut-être un petit manque d'expérience. Ça, c'est un jeune qui arrive. Ça fait quelques années qu'il est en NASCAR, en Cup. C'est un petit gars qui a énormément de talent. Par contre, manque d'expérience et de temps de piste. C'est un petit gars qui a monté hyper rapidement. C'est un jeune, ça, qui vient des jeux vidéo, là. Okay. Les e-sports, puis ainsi de suite, qui a appris beaucoup là-dessus. Ça, c'est phénoménal qu'il peut transférer ça dans une vraie voiture, mais sauf que tu vois que l'expérience de la vraie vie, il en manque beaucoup. Là. Je sais qu'il va partir en avant. Peut-être qu'il va gagner, mais ça me surprendrait énormément. T'sais, quand tu as Kevin Harvick, Kyle Busch, tous ces gars-là en arrière, le Truex, qui sont là. D'après moi, Harvick avait la voiture la plus rapide depuis le début, même dans le All-Star. Fait que d'après moi, il va être assuré. Effectivement. Patrick Carpentier, gros merci, ça part pour le Grand Prix du Canada. Hey, super gentil. Notre ami Patrick Carpentier.